Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Septembre 2021, Sibérie, lieu inconnu, heure inconnue. Des arbres s'étendent sur une étendue qui semble infinie. Tout semble calme, froid, mais calme. Pourtant, vos corps sont bien chauds, qui aurait cru que le soleil serait aussi dérangeant dans une telle région du monde. Mais votre inconfort n'est rien. Vous êtes prêts, entraînés depuis toujours pour ce genre d'opération. Vos muscles sont chauds, votre concentration est optimale, et le seul son que vous émettez est celui de vos chargeurs. La mission est d'apparence simple. Un hangar désaffecté qui a été pris par la mafia russe. Cette mafia qui a eu la mauvaise idée de voler une caisse très importante pour votre employeur. Alors, vous allez récupérer cette caisse, et tout faire péter. Personne ne doit y survivre, pas même le métal. Quoi faire ? Vous sécurisez le contenu de la caisse et vous disparaissez, comme toujours avec cet employeur. Par chance, il paye très bien, et qui plus est, il est fidèle, très fidèle. Alors vous avez pris l'habitude de ne plus poser de questions, et vous agissez. Vous allez faire ce que vous êtes entraîné depuis toujours à faire, parce que vous êtes les meilleurs. Alors voilà que vous êtes plus qu'à quelques mètres du hangar, encore camouflé, en train de vérifier votre équipement, que tout est prêt. Et justement, je vais vous poser la question, comment comptez-vous vous y prendre? Avez-vous décidé de vous infiltrer parmi eux? De vous faire passer pour des hommes d'affaires, justement, en affaires avec eux? Ou est-ce que vous avez juste décidé de foncer dans le tas, de vider vos chargeurs, en espérant que leur surnombre évident ne vous soit pas fatal? Dites-moi tout. En regardant Anthony... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, je dis en regardant Anthony, je pense que l'approche plutôt tranquille et et la plus probante dans cette situation, étant donné que nous avons affaire à un grand nombre de personnes. Nous ne sommes que quatre. Qu'en penses-tu, Anthony? En effet, si j'ai bien compris, il va falloir qu'on fasse exploser leur dope, c'est ça? Non, c'est la caisse, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous devez récupérer une caisse et tuer tout le monde et tout faire péter, y compris le métal, donc le hangar en lui-même. Ok, c'est ça, en effet, j'ai confondu avec un film. Oui, oui. Pour se poser. Eh bien, pour les explosions, j'imagine qu'on sait comment est-ce qu'on va s'organiser. Dis-moi, Jaeger, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu pilotes que les voitures ou est-ce que tu fais aussi dans les hélicoptères ou ce genre de choses? Principalement les voitures, mais j'ai quand même des capacités dans tout ce qui bouge et qui n'est pas un humain. Ok, j'ai connu un membre de cette mafia autrefois et... Je pourrais, si vous voulez, aisément me faire passer pour lui. Je connais quelques informations personnelles qui devraient largement faire l'idée. Je pourrais m'infiltrer à l'intérieur assez facilement, mettre un micro indétectable pour eux et du coup pouvoir vous faire tout entendre et on pourrait se coordonner pour que déjà j'ai en visuel la pièce entière et qu'on puisse ensuite agir en fonction. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et si tu le permets, je pense que je t'accompagnerai en tant que garde du corps, probablement. Très bien. Pourquoi pas, ça me va. Et vous, vous pourriez vous trouver dans les parages en hélicoptère. On doit bien avoir du matériel de type brouilleur pour pas qu'ils puissent voir votre arrivée autrement que lorsqu'il sera trop tard, par leurs propres yeux. Après, ça fait du bruit à Nico. C'est pour ça que pour l'instant, vous allez rester loin. Vous arriverez seulement à la fin. À un moment, on aura besoin probablement de se faire exfiltrer et de tout faire péter. Ou alors... Déjà, de toute façon, la question se pose de comment est-ce qu'on les tue. Est-ce qu'on utilise un gaz qui pourrait envahir le hangar, on prendrait des masques et on se protégerait tandis qu'ils s'étoufferaient tous les uns après les autres. Est-ce qu'on les fait exploser avec le hangar? Mais pour ça, il faut récupérer la caisse avant. C'est ça. Ou alors on rentre et on tire dans le tas. Malheureusement, un 4 contre un grand entier, ça commence à être un petit peu compliqué. Pour rappel, le nom de notre fonction est agent secret. Ah non, pas moi. Ça confirme ce que je pense. Mais il y a de l'idée, dans le cas où ils aient des masques, on pourrait mimer une fausse attaque d'un gang rival et nous de notre côté les prendre par derrière avec Eduardo. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous placez en mode un sniper et peut-être une Gatling ou autre vous attaquer. Et nous, tandis qu'ils sont arrivés à vous tirer dessus au loin, on s'en débarrasse. On récupère la caisse, et on fait tout on ça. On récupère la caisse. C'est un plan aussi. Oui, bonne idée. C'est ça le... Donc, c'est ça le deal. Mais je pense que le plan A, gaz, est... Déjà. Mais... Oui, Laura. Ah non, excusez-moi, j'ai un petit... excusez-moi. Je suis parmi la soirée d'hier. Mais du coup, donc si jamais on piège tout le monde, on pose des bombes tout autour du bâtiment, puis donc on fait une attaque à l'extérieur pour qu'il se ramène. Vous, pendant ce temps-là, vous récupérez le coffre. Et on fait tout péter après. Moi, j'aime bien ça. Mais ça, c'est le plan B seulement. Le plan A, on utilise un gaz et on les intoxique. On s'intoxifie tous. On l'a, ce gaz? Bien sûr qu'on l'a. Tout à fait. Vous avez, comme je le disais, vous êtes déjà prêt à la mission. Donc cette conversation est hypothétique. Et en réalité, tout ce que vous me demanderez pour cette opération-là, Vous l'avez. Donc, oui, y compris un hélicoptère de secours si vous en avez besoin. Vous avez absolument tout ce que vous avez envie pour ce début de session. Oui, en fait, quand je pose la question, c'est moi qui ai tout fait passer à la frontière, de toute manière. Oui, en même temps, là, faut imaginer que on n'est pas vraiment sur les lieux, on est dans le briefing qui va à statuer après de quand on sera sur les lieux. Question. Dans tes talents divers et variés de contrôle de véhicule, tu sais piloter un hélicoptère ou on a un pilote d'hélicoptère? Ah, je sais piloter. Pilotage, c'est bien tout. Oui, oui, oui. Ah oui, je sais piloter. Tout, c'est bon, aucun problème. J'ai tous les permis. Ok. Je pense que le seul truc qui mettrait peut-être en difficulté, c'est un sous-marin. Mais sinon, ça irait. Dans le désert, ça devrait aller. Eh ben écoute, dans ce cas-là, comment on se débrouille pour placer le gaz? Parce que c'est bien beau, on va gazer. Ventilation. La ventilation, bien sûr, la VMC. Donc on récupère la caisse avant ou pas, enfin, avant de gazer. Moi, ce ou que après je te propose, c'est qu'on rentre à l'intérieur. De l'intérieur, on essaie de localiser entre autres la caisse. Et on va trouver un prétexte pour avoir une... Déjà, faudra trouver ça, le prétexte pour lequel on se rend sur place, évidemment. Ça pourrait être de les prévenir qu'une attaque va bientôt avoir lieu, par exemple. Ouais. Et au moment où le gaz se répand, on va utiliser un gadget, puisque, évidemment, on peut se faire confectionner des gadgets. Plutôt que d'avoir un masque qu'on poserait sur notre visage qui serait énorme, il faudrait quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus discret. Comme j'en sais rien moi, une espèce de fil qu'on se mettrait dans les narines, et ce qui nous permettrait au début de faire semblant de subir les effets du masque, enfin du gaz, tout comme eux, et de tomber au sol. Et à ce moment-là, on peut s'assurer discrètement, en faisant plus ou moins le mort, que tout se passe bien comme prévu. Parce que si jamais on met des grands masques et que eux aussi ils avaient des masques à gaz, qu'ils avaient prévu le coup, et qu'on se retrouve face à 40 types avec des AK. Et nos masques à gaz, on va pas avoir l'air débile. Est-ce que tu me suis? Enfin, ouais, dit, Anthony, je suis complètement d'accord. C'est un peu toi. Tendu, mais j'avais déjà fait le coup en Corée à une époque et ça avait plutôt bien marché. Ah, la Corée. Une belle époque. Ah, c'était sympa. C'était plus simple. Les gens savaient ce que c'était l'espionnage. Hein. Là, ça, les gens ne pouvaient pas connaître. Eh oui. Ah, il savait tellement ce que c'était l'espionnage que c'est le Nord qui a presque gagné. C'est ce qu'il pense, mais ça... Très bien. Bien sûr qu'on le savait, on y était. Très j'aime bien la Corée. Moi. Dites-moi où on en est, du coup. Concrètement, qu'est-ce que vous avez sur vous au moment où vous êtes à côté du hangar et vous êtes prêt à agir? Qu'est-ce que vous... Alors, pour nous, je pense que... on aurait, alors pour Anthony et moi, je pense qu'on aurait des flingues en mode un peu silencieux, c'est que si jamais il faut abattre une personne rapidement comme ça, machin. Après, avec le petit dispositif dont on a évoqué tout à l'heure le truc, c'est-à-dire l'espèce de truc qui va dans les narines. En fait, il faut imaginer, c'est comme des boules caisses, mais c'est boules caisses pour nez que tu enfonces un peu dans les narines et ça filtre l'air. Et genre, on aurait un espèce de dentier, pas de dentier, mais vous savez, les protège-dents, mais qui fait la même chose. Donc, comme ça, on aurait les trucs bien verrouillés. Et après, voilà, des petits gilets par balle, mais tu sais, très fins, pour s'éviter de prendre une balle perdue. J'ai une petite proposition à faire. L'idée des espèces de dentiers, un petit peu, oui, comme il y a des appareils dentaires qui ressemblent un petit peu à ça, qui permettraient de faire filtre, c'est une très bonne idée, sauf que malheureusement, ça va altérer l'articulation. Et du coup, pour pas avoir l'air louche, étant donné que toi tu vas pas beaucoup parler, on s'en fout, mais moi je vais parler, donc moi je vais pas en prendre. Ce qui fait qu'au moment où le gaz se répandra, moi je pourrai plus parler. Non, du coup, s'il faut prévenir les autres, ça sera forcément toi qui devras le faire, parce que du coup, moi si j'ouvre la bouche, j'inhalerai le gaz. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être portatif et qui peut se ranger quelque part? Ah, mais si on fouille, on va forcément être fouillé avant un jour. Mais non, parce qu'on a des super vestes avec des doublures dans le fond que tu enlèves et tu sors le machin de la veste. C'est vrai qu'en soi on a tout de... Ouais, c'est vrai qu'en soi on a tout. Alors, on est des espions de la mort dessus, quoi. On a des vestes exprès anti-palpage. Professionnel comme appellation. C'est les VEAP. Veste exprès anti-palpage. Ok. Donc on a ça. Et après, bien, nous avons notre support extérieur, que ce soit Jagger et Laura, et là, bah, allez-y. J'avais un truc à proposer aussi, les micros qui nous servent à communiquer avec les autres se trouvent à l'intérieur de la peau. Parce que si on se scotche un micro ou qu'on met un truc dans nos vêtements et qu'il se fait l'air le truc et qu'il nous... Soit il nous retire nos vestes ou autre... Il faudrait vraiment un truc qui se trouve à l'intérieur du corps, j'imagine que ça doit bien. Bah c'est greffé sur les cordes vocales. Nous, c'est des écouteurs. Maintenant, en 2021, là, on fait des écouteurs, tu sais, qui se collent contre la joue. Et enfin, contre la joue. Enfin, je crois plus ou moins, on m'a expliqué, ouais, mais je les ai pas. Non, mais tu peux avoir aussi des sons mais qui l'idée. Sont collés, couleur peau, qui sont collés genre sur le cou, tu vois, et ça envoie les ondes. Ok, ça c'est le plan A dans tous les cas. Juste une question, est-ce qu'il faudrait pas... Alors si j'ai bien compris, Laura est une spécialiste en démolition. Oui. De quoi ça fait partie, voilà. Est-ce qu'il faudrait pas qu'elle soit sur le terrain avec vous justement pour poser tous ces explosifs et tout ça? Bah justement, après... Elle vient à l'extérieur, ouais. Elle vient de l'extérieur pendant qu'on est dedans. D'accord. Pour poser, okay. Voilà. D'où dans le plan A, deux. C'est ça quand ils sont tous morts. Mais dans le plan B, on peut prévoir, je ne sais pas, est-ce qu'on l'a fait venir au cas où? Au cas où ça se passe pas comme prévu. Mais de toute façon, après, ce sera quand même Laura qui va disséminer le gaz à l'intérieur, de toute façon. C'est pas nous qui allons le faire, on n'aura rien pour le faire, donc ce sera forcément Laura et Jaeger et qui vont s'occuper de gazer l'ensemble de l'entrepôt. Du coup, Laura, elle est infiltrée, c'est ça? Non, Laura, elle est à l'extérieur avec Jaeger, mais elle va pendant que nous, on sera à l'intérieur, s'approcher de l'entrepôt pour balancer le gaz dans toutes les aérations, tout le système d'aération du bâtiment. Et elle sera assistée de Jaeger. On s'infiltre, on va sur les toits et ouais, voilà. On met le gaz, ok. Voilà, exactement. Et vous avez quoi comme matos? Vous avez donc. Alors, on a un hélico. Déjà, un hélico donc qu'on a posé du coup à une certaine distance, une distance qui est plus ou moins pour qu'il se soit pas entendu quand on arrive, quoi. Il est posé par là-bas. On a un ou deux. Je sais pas s'il y a de la neige ou quoi que ce soit dans la zone où on est, mais genre jet ski ou quad ou un truc comme ça. Eh bien, quad, parce que c'est, figurez-vous qu'il ne neige pas tout le temps en Sibérie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Alors des quads, du coup, des quads tout terrain, on en a deux, je pense, dont on va se servir pour nous s'approcher et ensuite repartir avec tout le monde vers l'hélicoptère et partir très vite avec l'hélico. Très bien. Et j'aimerais avoir des flares avec moi, les trucs, c'est des trucs qui se trouvent la lumière rouge. Pour, ça pourrait être utile tout simplement pour okay. Déjà montrer où est-ce qu'on est à nos potes et tout ça et pour ma part du coup une arme à feu, je dirais un Uzi ou un truc comme ça quand même parce que on sait jamais. Ok, Laura, il y a quelque chose que tu as rajouté pour toi? Bah du coup des pains de C4 et ce sera tout, non? Du coup, bah, c'est moi qui va posséder aussi du coup les bonbonnes de gaz. Petite question à la MJ, je me permets d'interrompre. mais est-ce que on a de la reconnaissance sur les lieux? Par exemple, quand on dit on va mettre le gaz dans l'aération, est-ce qu'on sait qu'il y a de l'aération ou ce genre de truc? Pour cette fois, là, le but c'est de vous mettre une adresse, donc je ne vous demande pas de faire une opération de reconnaissance, donc je considère que oui, c'est vous lancez vos idées, moi je vais vous laisser faire. Vous êtes un peu libre, profitez-en. quand vous pouvez. Okay. Donc oui, si vous dites on va passer par l'aération, je considère qu'il y aura ce qu'il faut. Ouais, il y a eu des repérages au drone la veille. Exactement. vous avez pris les précautions avant. Donc il n'y aura pas de faux pièges de « haha, je vous ai eu », c'est pas le but du passage. Tiens, d'ailleurs, je vais conseiller avec mon expérience à Laura, si elle veut, pour des facilités peut-être, de s'équiper d'un drone. Pour au moins vérifier que si elle doit aller sur le toit ou dans les environs, qu'il n'y ait personne qui puisse la détecter avant d'y arriver. Le drone qui pourrait être tout à fait piloté par Jaeger, puisqu'il pilote tout et n'importe quoi, comme c'est pour être en support, en backup, pour vérifier la zone. C'est ce que je conseille. Maintenant, parce que... Est-ce que Laura, tu t'équipes, enfin Laura Jaeger, est-ce que vous prenez un drone du coup en plus? Profitez-en, c'est gratuit. Ouais. Ah. Très bien. Avec une mitrailleuse sur mon épaule. Alors c'est gratuit, mais quand même. Mais pas que, hein, bon. Hein. Ouais. Bien, non, bien, on va bien. Prendre un drone de la CIA pour faire des frappes chirurgicales au Yémen. Ceux qui lancent des missiles. Oh ouais, carrément. C'est un avion, bordel. On va l'utiliser avec la même précision. Ça, c'était la discussion autour du café. Ok. Eh bien, revenons à ce fameux jour de septembre 2021 en Sibérie. Vous êtes donc prêt, équipé, vous avez votre plan en tête, vous vous échangez un regard et vous allez pouvoir vous y atteler. Donc si je comprends bien, les personnes véritablement d'action dans un premier temps seront Anthony et Eduardo. Eduardo, Anthony, je vous écoute, vous vous éloignez de vos collègues. Expliquez-moi concrètement comment ça se passe, comment vous approchez de cet hangar. Eh bien, par un infiltré un petit peu dans ce groupe, même s'il n'est pas présent sur place aujourd'hui, on avait pris rendez-vous avec eux, étant donné qu'on a les meilleurs agents et associés quasiment du monde, on est sûr au moins d'avoir une bonne couverture. Et du coup, on se rend... En se faisant passer pour un... Bon, on peut vous faire commercer avec eux, leur faire une commande d'armes ou trucs en genre. Donc ouais, après, parce que finalement, les trucs, on a un peu abandonné l'idée de se faire passer pour des passeurs d'alerte et de leur dire qu'ils allaient se faire attaquer. Ça créerait peut-être du grabuge un peu pour rien, donc on... Ouais. Ouais, plutôt des acheteurs potentiels. Ouais, très bien. Pour l'occasion, je me suis un petit peu grimé. Le côté un peu russe, je me suis fait poser un faux nez un petit peu plus gros, pas grand chose, je suis resté assez soft. Et je me suis laissé pousser un petit peu la barbe pour donner un côté moins professionnel, bien soigné et plus. Un côté un peu plus gaillard quoi, qui pourrait plus facilement avoir l'air d'un gars qui travaille dans la mafia. Et je sais que les quelques mois avant l'opération, parce que c'est une opération j'imagine qui est prévue depuis longtemps, j'imagine que ça s'est pas fait en une semaine, je me suis mis activement au sport, histoire de prendre un petit peu de masse musculaire et d'avoir l'air un peu plus imposant. J'ai pris une quinzaine, une bonne quinzaine de kilos, histoire de vraiment faire la vanne. Eh bien, je vais juste demander un petit jet de déguisement, juste pour voir... En gros, l'efficacité dans tous les cas, il sera convaincant, c'est juste pour voir... À quel point il le sera. Donc, je te rappelle, c'est un des 6, je peux dépenser des points si tu en as envie pour améliorer ton jeu. Autant de points que je veux ? C'est autant de points que tu veux, c'est ta réserve. La limite est ta compétence, sachant qu'il va te falloir du repos, vu que c'est une compétence générale, pour récupérer des points là-dedans. Étant donné que toute l'opération repose là-dessus, je pense que je vais mettre 3 points. Ok. J'ai fait 3, cela fait donc un score de 6. Parfait. De ton côté, Edouard, comment te comportes-tu côté de ton collègue Anthony, qui est maintenant totalement grimé dans quelque chose que toi, tu trouves très convaincant? Bah, moi, en fait, on va dire que je suis naturellement... Enfin, là, vous me voyez, hein, de toute façon, je fais un peu tête de trafiquant, hein, avec la barbe blanche un peu. Je vais juste, moi, me rajouter des lunettes de soleil, parce qu'il t'a dit qu'il avait du soleil et qu'il faisait chaud, ça. Donc, des lunettes noires, juste pour avoir un peu cet aspect un peu plus... pour en imposer un peu plus. Et en même temps, pour cacher mon regard, voilà, c'est... un pseudo truc pour cacher ma face, même si on la voit quand même. Mais je vais pas en rajouter plus. Je suis super bien habillé. Là, je suis vraiment un peu en costard noir, une petite chemise noire classique, chemise blanche, les mocasses, tout. Enfin, vraiment, le gars, enfin, l'espèce de l'agent de sécurité, le garde du corps, qui, voilà, et qui a une expression neutre. Vraiment. Voilà, voilà. Et j'ai une clope au bec quand même. Et c'est moi qui conduis le véhicule. Parce que je me dis, on va pas arriver à pied quand même. Enfin, on a pris une mallette aussi avec de l'argent, je pense. Voilà, donc je conduis le véhicule. Alors c'est une Mercedes noire classique, vite teintée. Ouais. Sachant que bah, vous êtes au milieu d'une forêt. Ah bah alors non, alors un 4x4 Mercedes noir vite teinté. Ouais, ça marche mieux. Parfait. Et par balle aussi, pourquoi pas. On sait jamais en plan B. Ouais, si tu veux, si tu veux. Avec des autant qu'à faire. Question à la MJ, qu'est-ce qu'ils font d'habitude ce gang à part trafiquer des caisses étranges? Alors c'est plutôt d'être humain, plutôt stupéfiant. Vous avez entendu plein de choses dessus. Alors, on est concrètement dans la mafia russe habituelle, donc dans tout ce que ça peut agir. Là, on est sur une petite branche qui est notamment spécialisée dans. Si vous me laissez retrouver mes pages. Bon, retenez, c'est une petite branche. Donc c'est pas la grosse tête, c'est pas les gros trucs vraiment fournis, c'est vraiment en fait la petite frappe de la mafia russe qui fait ce qu'on lui demande. Et donc là normalement ça doit être du trafic, notamment ça a l'air d'être de la contrefaçon, ce genre de choses. Ok, très bien. Du coup, mon cher Eduardo, je te demande juste aussi rapidement de faire un petit test de déguisement, histoire de voir ce que ça donne. Donc j'ajoute ça à ce que j'ai moi déjà, c'est ça ? Alors tu ajoutes le nombre de points que tu veux de ta réserve de déguisement. Donc là tu as 8 sur 8 parce que tu as 8 en niveau de déguisement et en gros tu peux considérer... soit tu mets pas de points et tu donnes juste un résultat du dé, soit tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour améliorer ton jet et être sûr de faire quelque chose de qualitatif. Ouais, je vais mettre... Allez, je vais mettre 2 points. Ok, je rappelle que les seuils de base sont entre 2 et 8. Ça, je vous le donne. Ouais. À force, je ne dirai plus rien, mais sachez. Bah, du coup, ça me fait 3. Ça me fait 3. Avec les 2 points ? Ouais. Ok. Bien. Vous arrivez donc en 4x4, comme prévu. Visiblement les hommes vous attendaient, hein, vous avez bien organisé ça pour ne pas paraître louche, c'est une vraie réunion qui est organisée, vous avez bien prévu ça. Et lorsque vous arrivez, hein, il y a déjà 3 ou 4 personnes assez lourdement armées qui viennent accueillir votre véhicule. Vous êtes bien entendu absolument refusé d'entrer dans le hangar et vous demandent de sortir du véhicule. Dans un anglais très approximatif, mais visiblement suffisant pour pouvoir communiquer dans un premier temps. Eh bien, okay. Je me présente à eux, je sors. Je suis sorti du véhicule. Sachant que, Anthony, tu parles russe, donc si tu veux, tu peux passer dans leur langue maternelle si tu me le dis. En effet. Je me présente, je m'appelle Dimitri Festivzov, et je leur dis que comme mon contact leur a indiqué plus tôt, j'ai un contact, un ami, un membre de ma famille qui a travaillé avec eux par le passé, et qui du coup me les avait recommandés pour une histoire donc de trafic que j'aimerais mettre en place. Un trafic d'œuvres d'art, dont j'ai pris quelques exemplaires de faux pour leur montrer, ainsi qu'un petit cadeau de bienvenue, une mallette. Je le remets au gars à l'entrée, je lui dis de l'apporter à son chef, et qu'il en aura plus, enfin, que c'est juste un cadeau, et que si jamais il est prêt à nous recevoir et à faire affaire avec nous, on pourrait encore bien monter bien au-delà. Tu vois que déjà le fait que tu parles russe détend beaucoup l'atmosphère et rend la conversation entre vous beaucoup plus fluide et les rend déjà plus aimables au terme de visage, même s'ils gardent quand même une stature, une carrure un peu caïde forcément pour essayer de vous impressionner. Et quand tu donnes la mallette, il hoche la tête et tu vois qu'il se dirige vers le hangar, vous laissant seuls tous les deux face aux trois autres hommes, toujours armés, qui vous surveillent sans forcément échanger un mot. Quelques minutes passent, de l'autre côté, la deuxième équipe doit sûrement se préparer pour la suite. Et l'homme revient, sans la mallette, il fait signe de tête et retourne à l'intérieur, et les trois hommes, tout simplement, vous encouragent à rentrer dans le hangar. Le hangar est très grand, il est aussi énormément rouillé, c'est vraiment le hangar désaffecté qu'on laisse totalement à l'abandon, malgré le fait qu'il y a de l'activité. Et c'est vraiment une énorme grande salle, il n'y a pas de petite salle, etc. On voit absolument tout ce qui se passe. Et en fait, la seule chose qui sépare un peu la vue, bah, c'est des petites installations qui ont été installées par la mafia pour se séparer un petit peu, s'isoler, etc. Mais concrètement, c'est vraiment un grand hangar désaffecté avec, ci et là, plein de gens en train de se déplacer des choses, y compris des caisses et ce genre de choses. Est-ce qu'on voit une caisse qui a l'air de se détacher du reste ? Eh bien, vous avez été bien entendu informé sur à quoi ressemblait la mallette que vous recherchez. Et donc, vous pouvez très rapidement la chercher du regard. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'évidemment, vous êtes face à quelque chose qui est du coup en pleine vue, quoi. Il n'y a pas de salle. Et donc, sans aucun jet, je peux vous dire que oui, vous la repérez assez facilement parce qu'elle est avec plein d'autres petites caisses, etc., de entreposé, visiblement qui est en attente d'être en opération, mais vous en êtes sûr, vous la repérez au milieu de tout ça. Moi, je chuchote extrêmement bas pour que les autres entendent à travers le micro que la mallette se trouve au centre, je donne à peu près la position de cette dernière, plus quelques informations, je parle un petit peu, tu sais, je passe ma main devant, je fais mine de me gratter, j'en profite pour donner quelques informations, mais vraiment un ton extrêmement bas, évidemment, je me suis entraîné des tas de fois. Limite de la ventriloquie. Tu donnes quelques informations qui, du coup, aux autres, prennent conscience un peu voilà, de la composition du hangar, du fait que la mallette se trouve plus ou moins au milieu sur l'un des murs, hein. Enfin, au niveau de coller, en fait, à l'un des murs. Et sur le fait que vous êtes bien à l'intérieur. Moi, je suis vraiment les mains croisées. Hein, tu sais, genre, j'ai croisé devant. Je me tiens les mains et j'avance. Je suis mon patron, quoi. Enfin, je suis vraiment le garde du corps qui suit et qui parle pas plus que ça. Ou au pire, qui fait genre le petit message Anthony et Eduardo, vous voyez arriver un grand homme qui fait ça facilement 1m90, 1m95, chauve, rempli de tatouages. Et il vient tout simplement très bien habillé et se présente à vous avec une voix qui est très douce. Contrairement à ce que pourrait donner comme impression son physique. Et il vous salue. Toi en premier, bien entendu, Anthony, étant donné que tu es là pour les affaires. Et simplement de la tête pour Eduardo. Eh bien, je le salue également. Je lui parle également avec une voix très calme. Ouais. Bien. Eh bien, vous avez su me convaincre. Tu vois que quand il dit ça, il regarde ton homme du... Enfin, ton... oui, ton homme de garde du corps. Et esquisse un petit sourire. Alors, dites-moi, quels sont les plans? Que voulez-vous savoir? J'ouvre la première des mallettes et j'en sors de fausses œuvres d'art. Et je lui dis simplement... Les reconnaissez-vous? Ces deux-là sont de votre facture. Je les ai reçus par un contact à moi qui avait trafiqué avec vous à l'époque, un certain Marc. J'aimerais en avoir d'autres de cette qualité. Je suis prêt à payer cher, j'ai des fonds d'investissement très lucratifs qui me permettraient d'ainsi commercer avec vous. De plus, je constate, à ce moment-là, je tourne un petit peu dans le hangar, et j'en profite, c'est pour un petit peu analyser les lieux. Me dire plus tard, peut-être que je vais repérer un truc qui pourrait m'être utile. Vous avez l'air d'être une véritable entreprise de confiance. Et non pas... On connaît déjà, on a déjà eu affaire avec de fausses mafias qui se faisaient passer pour des succursales de la mafia russe, mais qui finalement n'étaient que des gamins dans des garages. Là, nous comprenons à qui nous avons affaire. Avant d'avoir la réponse, on va passer du coup à Jaeger et Laura. Vous êtes à l'extérieur, comme prévu, ils sont rentrés, et du coup, toute l'attention, en tout cas, de la mafia semble s'intéresser à ces deux visiteurs. Que faites-vous? C'est trop tard pour prendre du matos ou pas? Ok. Eh bien, je vais donc commencer par me diriger discrètement vers l'entrepôt et lancer un grimpin avec mon pistolet. Non, peut-être en vrai, je crois que ça n'existe pas les pistolets à grimpin, mais au moins le fameux grimpin. Attends, j'ai de l'équipement. En faisant des grands moulinets et je vais. Déjà, je vais me rendre discrètement jusqu'à l'entrepôt, jusqu'à un côté de l'entrepôt. Tu t'y rends. De ton côté, Jaeger, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, de mon côté, après avoir moi-même rapproché un peu Laura de la zone avec le quad un peu, et l'avoir déposée pour qu'en plus, ensuite elle puisse avancer discrètement vers l'entrepôt, moi je suis resté à l'endroit où je l'ai déposé et j'ai sorti ma petite télécommande et mon petit drone. Et je suis la progression de Laura et je prends un peu d'avance sur elle pour regarder un peu l'entrepôt, voir s'il y a des gars à l'extérieur et tout ça. Et je regarde, je reste attentif et je la mets au courant avec nos petits micros de l'avancée des gardes qui font sûrement le tour de l'entrepôt de temps en temps. Donc je lui dis quand se cacher et quand c'est le meilleur moment pour tirer son grappin. Ok. Alors il y a peut-être pas de grappin, mais par contre il y a des ventouses si tu veux. Qui permet d'aller sur tout type de contact et qui sont disponibles, des ventouses d'escalade, qui demandent juste un petit jet d'athlétisme. Et de toute façon, si je prends le classique au classique grappin qui se lance... Dans tous les cas, il y aura un petit... Oui, oui. Ouais, bah écoute, je vais faire ça de manière plus classe à Mission Impossible, et puis je vais prendre... Très bien. Très très bien. Je ne demanderai pas de jet de côté de Jaeger, parce que voilà, un petit drone, ce n'est pas très compliqué, surtout que là, il n'y a pas de conditions particulières. Par contre, de ton côté, du coup, Laura, effectivement, un petit jet d'athlétisme afin de grimper sur la surface pour monter en haut. Cinq. Très bien. T'as dépensé des points? Non. Très bien. N'hésitez pas à le dire, comme ça je sais ce qui se passe, que j'essaie de noter tout de même ce qui se passe niveau points. Très bien. Eh bien, tu te mets simplement à grimper sous la surveillance de Jaeger pendant que la conversation se situe, enfin continue à l'intérieur. Et justement, Anthony, tu vois que il rigole un peu et tu vois que il demande vous me comprenez à ton collègue en parlant en russe, voyant s'il y a une réaction ou pas de sa part. Malheureusement, sans manque de signes quelconque transmis, Anthony, j'en sens pas, il rigole et tout simplement se retourne vers toi, Anthony, et te dit « En parlant de confiance, je crois que votre garde du corps est un charlatan. » Je réponds en russe. Non, pourquoi dites-vous cela? Il m'a été recommandé par quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Elle ne m'a jamais lâché, ça fait faire désormais plusieurs mois que je suis avec lui. Il est peut-être fidèle, mais regardez sa tenue. Il est prêt à encaisser un chèque, pas à se battre. Mais tu vois qu'il dit ça sur un ton quand même de rigolade, hein. Il est pas... Ouais, bien sûr. Je serais tenté de le bronzer ça et crac, tiens. Mais tu comprends pas ce qu'il dit. Mais tu comprends pas, toi. Non, à ce moment-là, je lui dis... C'est simple, nous ne sommes venus ici pour encaisser un chèque et enfin pour délivrer un chèque, pas pour nous battre. Bah, quand tu dis ça, tu vois qu'il explose de rire et te tape sur l'épaule en mode bien, bien. Bien, eh bien, vous m'intéressez. Vous savez parler, vous avez su me convaincre de manière très intéressante. Et tu vois, quand il dit ça, son regard se repose sur la manette, évidemment. On va pouvoir en discuter plus en détail. Vous voulez aller dans mon bureau? Tu vois que quand il dit ça, pareil, petit sourire, parce qu'évidemment, vous êtes dans un lieu sans aucune sienne, mais... À ce moment-là, je lui rends son sourire et je le suis. Parfait. Vous enfoncez un peu plus loin dans le hangar. Pendant ce temps-là, Laura, tu as fini de grimper et te voilà au sommet de cette structure de métal. Dis-moi ce que tu fais. Eh bien, je vais donc rechercher les énormes ventilations, la chauffage qui doivent être utilisées dans ce genre de hangar. Voilà, et je vais commencer à bricoler un petit peu pour faire en sorte donc de relier la bouteille à la ventilation. Bien sûr, en ne l'ouvrant pas immédiatement. Très bien. Très, très, très bien. Je regarde. Petit jet de mécanique, peut-être ? Ouais, je sors me renseigner. Je regardais. Je me permets, vu qu'on est en tout début de campagne, de relire un peu à chaque fois. Électrique, électronique. Oui, tout à fait. C'est mécanique. Tu es très, très perspicace, que vous, ça correspond. Donc, oui, petit jet de mécanique. Très bien. Est-ce que tu dépenses des points ? Un point. Très bien. Tu m'as pas entendu ? Si, si. C'est bon, désolé. Hop. Eh bien, 3. Avec le point ? Avec le point. Très bien. Ah, putain. À l'intérieur, la conversation continue. Il vous a emmené un peu plus loin. Et tout simplement, en fait, va vous montrer justement au niveau de toutes ces caisses, etc. Il va en ouvrir quelques-unes pour montrer tout simplement des œuvres qu'ils ont eues, qu'ils ont pu voler, ce genre de choses. Et il est très fier, tu vois, de ce qu'il montre. Il est voilà, nous on a fait ça, et puis... Bah, il rentre vraiment dans les détails de « Oh oui, ça, on l'a pris, c'était telle date, tatati, tatata. » Tu vois qu'en fait, que là, il est passé en mode « C'est lui le vendeur. » Et il te montre que vous allez travailler ensemble et que ça va pas être pour de la rigolade. Donc, il y a cette conversation-là qui se continue un peu. Et malheureusement, tout à coup... Vous entendez un énorme silence. C'est un peu particulier à décrire, mais c'est-à-dire que ce petit bruit de fond de la ventilation qui travaillait en continu vient de s'arrêter. Et je repasse du coup à Laura. Tu es en haut et malheureusement en trafiquant tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as juste voulu à la base lier cette bouteille et le sel derrière son, mais en fait tu viens de tout arrêter. Et donc il va être essentiel de ta part de savoir réagir. Et donc je te demande, que fais-tu? Ok, je vais essayer de redémarrer la ventilation. Très bien, je te demande un autre test mécanique, sachant que c'est pas relancer un test qui a raté, c'est pour une action qui est différente, celle de relancer de là où tu es. C'est-à-dire du toit, donc c'est pas le plus évident. Dis-moi. Donc je vais prendre 2 points. Ok. Quatre. Très bien. Enfin, voilà. Retournons à l'intérieur. À l'intérieur, Anthony et Eduardo, ils continuent de converser et vous voyez que d'un seul coup, il comprend que ça s'est arrêté et il appelle un gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons si. Si on lance pas, on risque de perdre de la marchandise. Vous voyez que quand il dit ça, il est un peu mal à l'aise de vous en parler devant. Parce qu'on est là pour parler d'une activité et pas de plusieurs. Très bien. Allez voir ce qui se passe là. Il faut pas que les températures montent ni baissent. Et vous voyez que ça commence à s'agiter. Au même moment, vous entendez un bruit comme les moteurs qui se rallumeraient et s'arrêtent immédiatement. Que parmi ceux qui sont en bas, il y a déjà une réaction à ce qui est en train de se passer. Au début, je vous ai mis rien réalisé, mais là, je pense qu'on va commencer à se mettre sur nos gardes. Moi, en tant que garde du corps, on me voit, c'est comme un garde qui parle à son patron, tu sais, qui vient à son oreille et qui dit Je dis, et du coup, réellement à lui, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a fou, Laura? On va essayer de gagner du temps. Dites-moi, est-ce que ce genre de problème arrive souvent? Non, pas du tout, voyons. Vous comprendrez qu'on peut pas se permettre de perdre des milliers d'euros, des milliers d'euros, bien sûr, en Sibérie, excusez-moi. Ils sont internationaux, tu vois, c'est... bref, des roubles. Des milliers de roubles, juste parce que... Ils vont passer une autre fois, sinon. Non, vous avez su me convaincre. Il faut qu'on discute un peu de ce que nous pouvons faire ensemble. Ça va se régler, je leur fais confiance. Eh bien, continuons, là. Et tu vois que notamment il recommence à en parler, et cette fois il se vend plus, il est là justement pour t'écouter, tes propositions, etc. Pendant ce temps-là, Laura, toi qui es sur le toit, tu as essayé de relancer ce qui a failli marcher, mais visiblement, si tu crois que c'est bon, tu viens de définitivement tuer le système de ventilation, aération du local. Ok. Que fais-tu ? Dans ce cas-là... Je vais leur demander par micro. Je vais leur demander par micro. Il y a un problème. Est-ce que je balance la sauce? À ce moment-là, je dis au chef des mafieux. Je lui dis. Attends, ok, merde, attends, je viens de comprendre. Pour envoyer la sauce, il est en mode tuer tout le monde. Ou il est en mode envoyer le gaz. Le gaz? Bah oui, le gaz. Oui. On est d'accord. Ok, bref, je lui dis... maintenant, j'aurais une question. Est-ce que vous êtes capable de copier un Valici Kandinsky? Montrez-moi vos plus belles copies d'œuvres d'art. Et du coup, je répète ces mots, envoyez la sauce. Je réitère l'expression. Très bien. L'homme acquiesce et commence du coup à montrer ses plus belles pièces, pendant que Laura, tu viens donc d'entendre dans ton oreillette, oui, envoyez la sauce. Ok. J'ouvre les volets à fond. Et du coup, nous, avec... Enfin, j'imagine qu'Edward fait la même, on se... Je remets un peu le nez en place comme ça, et puis tac, j'active le petit truc. Et à partir de là, je crois que je ne dirai plus un mot. Très bien. Jusqu'à ce que je te donne le... Quoi qu'il en soit, du coup, Laura, tu envoies le gaz, vous vous préparez du coup à y résister, mais tout de même simuler pour pas paraître louche. D'autant plus que vous êtes bien positionné, parce que vous n'êtes qu'à quelques centimètres même de la petite caisse qui vous intéresse. Toxine. Moi, je regarde juste un peu comment ça va. Ok. Très bien. Ok. Moi, je regardais juste. Est-ce que je veux que... Quelqu'un peut faire un test pour moi, s'il vous plaît. Vous me lancez un petit D6. Premier qui lance. 3. Merci. Oh bah heureusement, j'ai fait un. J'ai fait un. Bah même. Vous voyez que les choses continuent et ça prend quelques minutes avant d'entendre peut-être les premières personnes commencer à tousser. Je vais tousser aussi. Et à partir du moment où les premières toux se font entendre, tout se passe très rapidement, c'est-à-dire que l'attente a été longue, surtout pour garder le silence du côté d'Anthony. Mais par contre, une fois que ça a commencé, très rapidement, seulement quelques secondes plus tard, un des premiers hommes tombe à terre, et alors qu'une panique commence à se créer, eh bien elle s'arrête tout aussitôt parce que tout le reste est en train de les rejoindre au sol, s'étouffant, essayant d'hurler sans aucune force, sans aucune possibilité de faire le moins de bruit. Et bien entendu... De faire la même chose, du coup. Et bien entendu, vous pouvez simuler pour laisser le temps passer et surtout laisser ces hommes ne plus pouvoir vous suspecter, sachant que leur mort va être proche, va être longue. Et vous savez qu'il va falloir quelques heures pour qu'ils perdent définitivement la vie. Mais ça va être douloureux et efficace. Moi, je discrètement, parce que je pense qu'on est tombé au sol tous les deux, mais assez proches l'un de l'autre, et de discrètement, je tends, enfin, je file à Anthony le truc pour la bouche, comme pour qu'il puisse s'en équiper. Je le mets rapidement et je bouge pas. Je fais le mort derrière la caisse. Parfait. De temps en temps, je regarde quand même voir si, si les gens ils sont tous au sol ou pas. Enfin, à partir de maintenant, tout le monde est au sol. Et comme je l'ai dit, il va falloir attendre quelques heures si vous voulez attendre leur mort. Mais justement, combien de temps vous comptez attendre? Le temps qu'il faudra. Des heures? Tu vas attendre des heures? Non, on a pas besoin de des heures. Oh, on a déjà fait pire. Enfin, en vrai, non. Parce que... Non, oui, c'est ça en fait. Mais le ils sont au sol. On attend qu'ils soient bien dans le mal et on envoie un signal aux autres de débarquer. Après là, il y aura les nettoyeurs qui viendront tout finir s'il faut. On peut envoyer une équipe de nettoyeurs pour les terminer. Mais de toute façon, je rappelle, vous devez tout faire exploser. Hein, donc... En plus, donc là, on va pas attendre qu'ils soient morts puisqu'ils vont mourir dans une explosion. Donc au bout d'un moment, quand je vois que tout le monde est au sol, même s'ils agonisent et tout, moi je me relève, Joseph de tous ceux qui sont au sol, hein, parce qu'ils sont au sol en train d'agoniser, et je vais récupérer la mallette dont on a besoin, et accessoirement, jeter un œil, voir ce qu'il y aurait à côté, qui pourrait, si on peut le récupérer, prendre un petit souvenir. Un petit souvenir. Moi, de mon côté, voilà. je continue de faire le... Non, je pense que je vais me relever. Et je vais surtout faire attention aux gars autour, et je pense que je vais les descendre les uns après les autres au silencieux. Comme ça, on est sûr. Et surtout faire attention qu'il n'y en ait pas un qui se relève, un gars. Et un peu plus costaud que les autres, tu sais, qui est en train de nous mettre une balle. J'en profite, je contacte Jaeger pour dire manette récupérée, tous les gars sont tout seuls. À vous de voir pour la pose d'explosif pour faire tout péter. Bah moi du coup j'ai déjà commencé, hein. C'est moi qui m'en occupe. Sur le toit, j'ai déjà essayé de repérer là où sont les points les plus fragiles, ce genre de choses. Et puis je vais recommencer à descendre une fois que ce sera fait pour chercher les murs porteurs, tout ce genre de choses. Et puis pour rejoindre du coup les collègues. Moi avec mon drone pendant ce temps du coup je reste je fais quand même toujours le tour de l'entrepôt voir si c'est toujours pas un type à l'extérieur ou que ce soit. Et si tout va bien en fait j'observe un peu peut-être même que je pourrais rentrer dans l'entrepôt avec le drone pour tu vois, regarder toute la zone pendant que les autres sont encore autour de la caisse pour vérifier que tout va bien, qu'il y en a pas un qui a un masque ou que ce soit. Ok. Tout à fait. Comme ça je sneak. Tu vas à l'intérieur et tu vas pouvoir me faire un petit test. Ton premier test. Je regarde juste la différence entre deux compétences, histoire que moi aussi je me le prenne en main. Ouais, un test de surveillance, s'il te plaît. Surveillance? Oui. Ah, ok. Alors, avant que je jette, du coup... Ça, il faut mettre des points dans cela, c'est ça? Ou alors... mieux, sixième sens, s'il te plaît. Sixième sens? Oui. Ok, je ne mets pas de points. Très bien. 4. Très bien. Tu... observe absolument tout et tu t'assures que personne n'a le moindre geste et quand tu as le réflexe de tourner le drone pour voir peut-être un homme qui te paraissait un peu plus suspect, peut-être un peu plus costaud, tu arriveras toujours à repérer si l'un d'entre eux essaie de bouger, s'il a l'air tenté quoi que ce soit malgré le manque clairement de ressources et tu peux en prévenir tes collègues directement, ce qui fait que pour tout le reste, du coup, de tout ce moment, eh bien, aucun d'entre eux ne court le moindre danger. Tu sais parfaitement surveiller leurs arrières. Vous prenez ce qu'il y a à faire. Laura, tu t'occupes, du coup, d'activer tout ça. Petit test de démolition, bien entendu. Sachant que la démolition, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est pas une compétence... Non. Non, c'est une compétence générale, artisanale, entre guillemets, générale. Oui. Ouais, c'est engin explosif. Oui. Parfait. Je vais mettre 1. Ok. Ça explose avant même qu'on soit sorti. 3, donc ça fait 4. 4. Ok. Tu poses tous les explosifs, notamment voilà, les pains de C4, et tu fais en sorte de tout programmer pour vous laisser le temps après de sortir et de vous enfuir comme prévu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, une fois que vous avez fini par achever quasiment tout le monde, une fois que le drone est ressorti et que vous sortez de là avec la mallette, que vous trouvez du coup à l'extérieur, vous récupérez donc les quads comme prévu qui étaient cachés là pour aller au niveau de l'hélicoptère et vous en allez. Je suppose que vous attendez d'être à l'hélicoptère pour faire exploser. Plus loin vous serez d'explosion, mieux ce sera pour votre sécurité. D'autant plus que vous êtes assuré, grâce à Jaeger, qu'il n'y ait personne aux alentours et personne qui ait pu survivre. Et effectivement, à l'instar d'une certaine image plutôt connue au cinéma, eh bien, lorsque vous arrivez à l'hélicoptère et que Jaeger, tu vas pouvoir t'y installer pour le conduire... Et je te demanderai pas de faire un test. C'est une réussite automatique, là, quoi qu'il arrive. Tu as 16 points et il n'y a pas d'urgence. La seule chose, c'est que tu attendras la petite secousse et la petite vague de l'explosion pour éviter de faire un crash. Et une fois fait, eh bien, vous allez pouvoir vous envoler. Moi, je veux conduire humain, moi. Je m'en fous. Exactement. Vous commencez à être en vol et vous vous éloignez de cette forêt dans lequel vous avez passé pas mal de temps pour approcher de manière discrète et ne pas du coup éveiller les soupçons de cette mafia qui n'est plus. Votre mission est parfaitement réussie, bravo à vous, agent. Il ne vous reste plus qu'à mettre en sécurité cette mallette et à disparaître. Cependant, sur le trajet du retour, vous entendez un bruit être émis de la mallette. Un bip. Un petit bip aigu. Qui, à la base, était plutôt éloigné. C'est-à-dire que vous l'entendez une première fois. Puis 10-15 secondes une deuxième fois. Est-ce qu'on sait quel genre d'engin c'est ? Est-ce qu'on connaît ce genre de bip ? C'est juste... genre... un bip et... si tu essayes d'identifier, si vous essayez de tendre l'oreille, outre le fait que la cadence commence à s'accélérer, ça ressemble à un communicateur. Comme un ping, quoi. Genre, on se rapproche de quelque chose ? Non. Comme un appareil qui se met à sonner, qui est programmé pour sonner de plus en plus. Bah, comme vous savez, les réveils qui se... J'ai la mallette sur les jambes, parce que je l'avais ramenée avec moi. Du coup, je l'ouvre. Très bien. Tu ouvres la mallette. Ça fait clac. Tu vois, effectivement, en fait... un petit appareil de quelques centimètres qui émet ce bip. Mais tu vois surtout deux armes à feu. Elles sont très propres. Quand tu les regardes très rapidement, elles ont l'air... Il y a quelque chose qui se dégage de ces armes qui sont pour le coup très soignées. Bien plus que l'est une arme en temps normal. Mais surtout... des armes modernes ? Ce sont des armes modernes, oui, tout à fait. Et surtout, tu remarques un dossier qui est tout simplement là où est scotché le petit bidule qui bip depuis tout à l'heure. Et ce dossier... c'est un petit dossier, tu sais, un peu cartonné avec des documents à l'intérieur. Je suppose que tu t'en saisis. Oui, je regarde. Très bien. Quand tu regardes le contenu de ce dossier, d'ailleurs, est-ce que tu arrêtes l'appareil ou tu le laisses continuer de sonner de plus en plus fort et de plus en plus rapidement ? Pour l'instant, je vais juste, avant de toucher à quoi que ce soit, je vais quand même regarder les documents, dans le doute. Ok. Donc, il continue de sonner. Ouais. Les documents, c'est simple. Il y a plein d'informations sur une personne qui vit aussi en Russie et notamment dans la région de Sibérie. Cette personne semble être particulièrement isolée, il y a plein d'informations sur elle, notamment qu'elle aurait participé à une opération Monsieur K. Monsieur K. Et dans tous ces papiers se trouve une note, quelque chose qui ressort de tout ça, sur lequel il y a marqué nouvelle mission de petits points, éliminez-le. Bah du coup j'appuie sur le petit machin. J'arrête le bordel. Tu appuies dessus et tu vois tout simplement qu'il s'éteint. D'accord, donc en gros c'était comme si il voulait. Ça bipait pour qu'à un moment donné on ouvre la mallette et qu'on voit en fait limite qu'on nous donne une mission dans la mission. Mais c'est habituel ce genre de procédé dans notre profession ? Vous en avez vu des choses, hein, des trucs des vertes et des pas mûres, mais. De là à dire que c'est habituel, ce serait un bien grand mot. Ça reste quelque chose de très singulier, mais vous savez que, par expérience, avec cet employeur-là, c'est quelqu'un d'un peu singulier, justement. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'on est d'accord, la mallette qu'on nous a chargé de récupérer, elle contient notre prochaine mission. Tout à fait. C'est ça. Ça a aucun sens. Tout à fait. Ok. Parce que là, honnêtement, j'ai aucune envie de faire ce qui est écrit. Enfin, je veux dire. On a aucune. Y a même pas genre un truc qui pourrait nous faire penser que ça nous est vraiment adressé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est job, j'ai envie de dire. Oui, mais y a pas un ordre de mission, un nom, un truc. Ça se trouve, c'était destiné à un russe qui devait venir la chercher dans 2 semaines. Et on va pas juste suivre bêtement ce qui est écrit dessus. Écoute, Anthony, je pense que, contrairement à ce que tu penses, ça nous était adressé. C'est pas un hasard si, une fois dans l'hélico, que ce boîtier soit mis à biper et que sa seule fonction était de biper sans plus. Et d'ailleurs, tu remarques que plus ça bipait et plus le son, le volume augmentait. Ce qui forcément suscite chez n'importe quelle personne l'envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'ai fait. Oui, mais on est des professionnels. Si quelqu'un venait nous faire passer un message, il nous l'aurait donné directement. Au pire, si c'est pas Dresden, on explose le mec, on encaisse le caisse, on encaisse le chèque, pardon. Et ensuite, on aurait la pilule à Cancun au Mexique pendant 3 semaines. Est-ce que ça vous irait ? Pour moi, on rend la mission, on a fini la mission, on a récupéré la caisse et c'est tout. Ce truc-là, pour moi, on n'a aucune raison de s'en charger. Eh oui. C'est peut-être pour ça que l'Empire britannique s'est effondré. Non mais écoutez, il y a des règles. On nous donne une mission, on fait la mission. C'est pas dans les codes et dans la culture de changer les règles en cours de jeu et nous donner une mission. C'est quoi ? C'est les mafieux qu'on vient de liquider, c'était juste une manière d'une mise en bouche, c'est ça ? Pour vous, c'était l'entrée. C'est ça. Et tu peux me rappeler exactement la phrase qui a été donnée ? La phrase que j'ai lue à la fin ? Bien sûr, c'est nouvelle mission, 2 petits points, éliminez-le. Bah, quoi ? Nouvelle mission ? Comme par hasard ? Non mais... Si ça avait été une simple mission, il n'y aurait pas eu besoin d'écrire une nouvelle mission. Je pense que nous avons subi un test. Et ce test était de récupérer la mission dans cette manette. Au pire, qui est pour faire la mission ? C'est Jaguar. Moi ! Il y a déjà une main que je tiens pas, alors je lève l'autre. Non mais t'inquiète, les hélicoptères ont un pilotage automatique. Hein. Tu peux lâcher les... Ouais. Non mais je l'active jamais. Pas besoin. Avec les pieds. Eh bien, de ce que je comprends, vous décidez... de ne pas tenir compte des mises en garde d'Anthony, de... Du coup, vous dirigez vers cet homme. Bon, chose assez simple pour le coup, hein, le trajet ne sera pas très long, étant donné que vous êtes en hélicoptère. Ce qui vous permet, bien entendu, de traverser des grandes surfaces un peu plus rapidement, grâce à Jaeger, qui est en train de conduire de manière très reposée. Je lâche une espèce de juron en anglais, ou une petite phrase... un peu direct. Fucking air. Très bien. Oh dear god. Oh, ah oui. Là, c'est le noble si. Allemand, c'est. Oh non, my c'est dear. Plutôt, c'est génial. Dickhead. Un truc du genre, ouais, when pigs can fly, ou ce genre de truc, en mode je suivrai, et puis bon, finalement, le long du trajet, je vais accepter, parce que bon. De toute façon, c'est pas moi qui pilote l'hélicoptère, donc bon, il me dit que it's rain, cats and dogs. J'ai encore un quad qui est suspendu en dessous de l'hélicoptère, si tu veux descendre, je l'arrête, messieurs. Bon, allons tuer cette cible, et qu'on n'en parle plus. Yeah. Très bien. Alors attendez, je vais tenter le RP anglais, mais let's kill two birds with one stone. Alors, sachant que ton IMAC adjoint, bon, même si j'autorise ce point les expressions, Mais du coup, le français devient l'anglais dans Neglect Agent, étant donné que nous sommes français et que la langue de tout le monde est l'anglais, parce que c'est la langue commune dans le monde. Oui, mais du coup. Oui, mais pour l'expression. Du coup, je n'utilise pas des expressions américaines, c'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Autant le dire, ouais, voilà. Mais bon, oui. Mais voilà, non, mais comme ça, ça permet d'établir, tu sais, ce truc de base. Voilà, ouais, tu es deux autres. Tout le monde parle anglais. Avec une pierre. Et en fait, on considère dans. Voilà, si voilà, vous voulez parler français dans le jeu, vous devez parler anglais. Ouais, tu es deux oiseaux avec une pierre, qui est d'ailleurs beaucoup plus stylé que faire d'une pierre deux coups. J'avoue. Tu es deux oiseaux avec une pierre. Déjà que un, c'est quoi? Merde. Ouais. Ok. Excusez-moi, je suis juste en train de galérer avec ma. Non, avec même. Je fais des petits détours pour montrer les aériennes. Bon, tant qu'à faire, regardez. La taïga, vous avez la taïga en bas. Avec... Parfait. Le frost, je sais plus comment ça. Le permafrost. Le permafrost, regardez. Là, c'est okay. Là où il y a des touristes qui ont disparu en une nuit où on a retrouvé une tente. Ah, une belle affaire. Ok. Eh bien. Vous arrivez par tout simplement, comme prévu, atterrir. Cette fois, vous n'êtes plus hein, dans les dans cette grande forêt. Vous êtes plus dans ce qui est un peu plus que les gens ont en tête hein, en Sibérie, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus aride et froid. Et vous arrivez en fait à ce qui est un petit village tout perdu avec à peine 4 ou 5 maisons. Alors je sais pas si vous y garez, si vous atterrissez. On descend au milieu avec l'hélicoptère ouais. Au centre du village. C'est la question, est-ce que genre vous en avez rien à faire et vous arrivez vraiment au milieu du village, de toute façon ils sont 4, ou est-ce que vous décidez quand même d'aller un peu plus loin par respect et rester un peu discret? Il y a bien y avoir une petite zone pour atterrir à 100 mètres du village, enfin genre histoire qu'on leur oui, peut-être plus que 100 mètres, non. Bon, on s'en fout. J'ai tout. Comme je l'ai dit, on est venu avec plusieurs quads et on avait amené qu'un seul sur le terrain. Donc il y a toujours un qui est accroché là en dessous de l'hélico. Donc vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus loin. Alors, par contre, il faudrait que tu m'expliques comment tu fais pour avoir un quad sous l'hélico pour atterrir. Non, mais je l'ai accroché en décollant. Oui. Et tu le retires avant. Non, mais ça hey, c'est bon, c'est un professionnel, Jaeger. Laisse-le faire. En fait, t'as un câble qui est en dessous comme ça. Ouais, c'est ça, okay. Exactement. Okay. Très bien. Donc, vous allez un peu plus loin, vous allez pouvoir utiliser le quad pour vous y rendre. Vous arrivez au village. Il y a absolument, visiblement, aucune vie. Personne pour vous accueillir, ni même réagir à votre arrivée, alors que malgré tout, même si vous êtes mis un peu plus loin, ça reste un hélicoptère qui a survolé cette zone, et vous doutez qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent par là, normalement. Le soleil est couchant, il est beaucoup moins tapant sur votre peau. Ça commence à devenir grave, et ça commence à véritablement se réchauffer. Vous savez que d'ici quelques heures, la température risque de devenir négative. Bref, du coup, vous êtes face à la bonne porte et dites-moi ce que vous comptez faire. Est-ce que vous discutez un peu de préparation? Est-ce que vous y allez comme ça et vous avisez sur le moment? Dites-moi un peu comment vous voyez la chose. Je vais bien re-regarder le dossier qu'on avait, voir si j'ai pas oublié quelque chose dans la lecture, s'il y a pas un truc que j'aurais omis. Parce que là, le seul truc qu'on a, c'est qu'il faut trouver une personne qui a bossé dans. C'était quoi le truc K là? Je sais pas quoi. Le projet Monsieur K. Le projet Monsieur K. Et qui se trouvait ici. Mais en gros, on n'a pas de description. On ne sait pas comment il est. Ah, si, vous avez des photos, vous avez absolument On a tout la ce qu'il faut photo. pour l'identifier. Ah, d'accord, ok. Bon, autant pour moi, alors. Et vous avez tout, en fait, tout le contenu de la mallette, donc y compris les deux armes à feu et le dossier. Bah, du coup, je prends une arme, une des deux armes, et je sais pas, je tends l'arme à celui qui veut la prendre. Je vais en prendre une. Très bien. Je vérifie Ah non, il y en a que deux. Oui, il y en a que deux. Oui, il y en a que deux. On laisse les exécuteurs faire un mot d'exécuteur. Mais je suis un liquidateur, moi. Donnez-moi une arme. Bah, t'en as une, toi, déjà, de toute façon. Oui, tu demandes une de ces armes-là. J'ai mon Uzi, si tu veux. Bah, donne. Je veux juste examiner l'arme plus de plus près, en fait. Le chargeur, les munitions qui sont dedans, si elles sont spécifiques ou pas. C'est... Tu vas me faire, s'il te plaît, un test. Ouais. Laisse-moi zoomer sur les fiches. Observation. Non, pas du tout. Voyons. Eh bien, c'est... Je pense que ça marche. Encore une fois, c'est la première session, j'en profite pour réviser tout ce qui est compétences, etc. Mais je dirais bien que expertise militaire est spécifiquement bien donnée. Ta-ta-ta. Alors, expertise militaire. Bon, c'est pas forcément sans âme. C'est une compétence d'investigation, justement. Ça ne se jette pas. Mais ça se dépense, si tu as un point. Je ne sais pas si tu as un point. Non, tu n'as pas de... Je regarde si autre chose. Toi, tu te calmes. Le principe, normalement, c'est qu'il y a toujours deux ou trois méthodes... Bah, sinon, je peux tout à fait me regarder dans un premier temps parce que j'y connais pas super bien et je donne à Laura l'arme en disant tiens, tu peux regarder s'il te plaît pour moi. Mais ça me permet de réviser en même temps mes compétences, comme ça sera plus fluide pour, pour la suite. Je regarde s'il y a un truc qui rentre. Ok. Non, ok. Non. Et ben dans ce cas-là, ça va pas être une compétence d'investigation. Je regarde un peu comment ça marche, mais excusez-moi, je navigue encore avec le système. Mais on va faire un test de tir, mais dans lequel tu vas pas tirer, parce que je sais que le jeu encourage à faire des utilisations originales, un peu comme Écrime, vous savez, où tout est résumé dans le même truc. Du coup, un petit test de tir. Eh bien, comme j'ai pas beaucoup de réserves en tir, je vais la tenter en mode raw. Parce que, ok. Je vais essayer quand même d'économiser mes tirs, on sait jamais. Et je fais 3. Très bien. Tu regardes et tu vois rien de particulièrement spécial. Tu as un feeling un peu étrange avec cette arme. Elle est pas habituelle, c'est pas genre juste... deux pistolets qui auraient été placés là par hasard, ils ont quelque chose d'assez unique à elle, mais t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi. Bah du coup, je comme je te disais, j'ai regardé une première fois, et comme je sens qu'il y a un truc qui est bizarre, mais que j'arrive pas à faire quoi, je tends l'arme, du coup, cette fois-ci, à Laura, et je lui dis, écoute, regarde, tu seras peut-être mieux que moi, mais je la trouve un peu bizarre, cette arme. Merci. Ah, bah tiens, prends le Uzi. Ouais, mais je prends lui. Parfait. Donc, je repose ma question. Qu'est-ce que vous faites concrètement là tout de suite? Est-ce que vous toquez comme ça? Est-ce que vous discutez d'entre vous d'un plan? Dites-moi tout. Bah, du coup, est-ce que Laura, tu regardes l'arme ou tu pas du tout? Tu la prends, tu la ranges. Ouais, je peux essayer d'examiner moi aussi du coup. Tout à fait. Pourquoi? Du coup, toi, tu l'as l'expertise militaire, non? Non, tu l'as pas? Ouais, mais non, mais expertise militaire, je regarde, c'est vraiment sur, sur gérer des militaires humains, pas sur leur équipement. J'ai relu hein, quand même au cas où la compétence, mais ouais, c'est plus ça. Et je vais essayer de rester by the book pour l'instant, donc on va le suivre à la lettre. Et donc du coup, bah ça sera pareil, ça sera un test de tir qui permet voilà. Bon, ouais. Je tombe vanille. Hein. Faites donc, effectivement. Deux. Ok. Encore moins. Pareil, il n'y a pas grand chose qui te vient. Du coup, je continue de poser ma question. Est-ce que vous avez un plan ou est-ce que finalement vous restez planté là sans vraiment savoir comment agir? Bah, c'est simple. Les gens qui tirent rentrent. Moi, je reste en soutien. Si il y a besoin d'aide, je peux envoyer des flares à l'intérieur pour couvrir un peu et comme ça vous retirez s'il y a besoin. Bien. Ouais. Je frappe. Est-ce qu'il y a le téléphone portable qui passe ici ou est-ce qu'il fonctionne que au fil? Là vous êtes quand même dans un coin très très très perdu quand même de la Sibérie malheureusement. Tout ce qui est réseau téléphonique effectivement. Est-ce qu'on leur couperait pas l'électricité et les câbles? Comme ça, même si, c'est pas, si on fait quoi que ce soit, ils pourront prévenir personne. Parce que si on met les flares, on risque de réveiller un peu tout le monde, etc. Il y a personne, a priori. Bah, ils sont 4, non? Hein? 4? Non, il y a 4 maisons. Oui. Mais il n'y a pas forcément 4 personnes. Bah, ça, on sait pas, non? On sait pas, mais genre, ça a l'air d'être ces 4 pauvres baraques. Ça se trouve, il n'y a personne dedans, tu vois. Enfin, on n'en sait rien, oh. C'est sûr. Vous remarquez, en réfléchissant à ça, surtout toi, Anthony, la police, non? Justement, Anthony, tu remarques en réfléchissant à ça que tu ne vois absolument qu'une source d'électricité. Oh. Eh oui, on n'est pas en Angleterre. Moi, je vais aller fureter un petit peu, en mode... un peu sneaky, infiltration pour aller alors arme à la main avec regarder à travers les fenêtres, tu sais, genre doucement comme ça, essayer en y allant un peu de façon discrète, quoi. Bien, tu vas me faire s'il te plaît un test d'infiltration. Et bien, je vais dépenser 2. Ok. Et ça fait 8. J'ai fait 6. Eh bien, c'est un échec critique et... Non, je rigole. Je dépasse 4. Je fouille toutes les maisons sans que personne ne sache que je suis jamais venu. Puisqu'il n'y avait personne, justement. Personne ne l'a su. Eh bien, c'est en partie vrai, puisque sur les 3 autres maisons que celles que vous devez agir... Il n'y a pas le moindre signe de vie. Et vu de ce que tu vois niveau poussière et tout par la fenêtre, ça a l'air d'y être depuis longtemps. Un ermite, il doit avoir des trucs à cacher, lui. Du coup, bah, je montre à mes camarades qu'il n'y a que cette baraque-là qui est habitée. Et si tu regardes du coup à la fenêtre de cette maison-là, tout ce que tu vois, c'est plus ou moins un vieil homme en train de manger une soupe. Je lui dis attention, venez avec vos flingues. Il y a quelqu'un de dangereux potentiellement dans cette maison. Non, je déconne. Il y a un petit vieux. Non, littéralement, je fais ça, tu vois, je le fais en blaguant, mais tu vois, après, je dis... Il correspond à la photo, juste, il est plus vieux. Ouais. Bah, on l'abat depuis l'hélicoptère avec un fusil, on avait un sniper dans le coffre. T'as pas ça, oh, toi? Non, je veux faire ça bien comme il faut. Oh, vous êtes... Bon, par contre, vous êtes au sol, hein, maintenant, parce que comme il y a eu la recherche et tout, vous êtes dans l'hélicoptère. On est descendu en hélico pour regarder par la fenêtre. Et personne ne nous a vus. Bonjour. Bien. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là tout de suite maintenant? Non, moi je leur fais un signe de venir et je me mets devant la porte Et je vais pour ouvrir la poignée, mais je demande à quelqu'un de... En fait, que je vais ouvrir la poignée et la personne va... Voilà. Qui est la personne qui rentre? Laura, viens derrière moi. Okay. C'est toi la tueuse, hein, donc ouais. Du coup, j'ouvre la porte et je t'ouvre la porte pour que tu puisses rentrer à l'intérieur. Et okay. Je te suis après dans la foulée. Tu ouvres la porte, Laura, tu t'enfonces à l'intérieur. Et évidemment, bah, une telle opération militaire a la réaction sûrement pour tout le monde. Le Yom se lève d'un coup choqué et tout simplement, on t'a demandé que se passe-t-il ? Il parle en russe. Et je lui tire une balle dans la tête. Je lui tire une balle dans la tête. Très bien. Tu me fais un test de tir, s'il te plaît. Bah, c'était okay. La mission. Hein. Je mets 2 points. 4 plus 2, ça fait 6. Il est vite. Hein. Avec son arme chelou, hein, attention. Effectivement, tu as pris l'arme de la mallette. Tu tires et tu vois tout simplement le crâne s'exploser. Il y a de la cervelle qui tout simplement vole un peu partout et le corps tombe au sol et convulse. On le retire une deuxième. Convulse ? Mais il devrait pas convulser. Oh, c'est un réflexe post-mort même. Ça arrive parfois. Bah, headshot. Je vais lui tirer une balle dans le cœur. La poitrine. C'est tout the body, one to the head. Tu lui tires une deuxième balle dans le cœur. Et tu sens une odeur étrange se propager dans la pièce. Ah oui, mauvais chalet. Tant pis. Mais surtout, Jaeger qui est resté à l'extérieur faire de la surveillance. Tu es un peu surpris de toi-même parce que tout à coup sort un énorme SUV noir. Genre de choses que tu aurais dû voir venir arriver, genre de choses que tu aurais dû repérer. Tu le vois s'arrêter tout à coup devant la maison. Je vais me glisser à l'intérieur de la maison. Hein. Lentement, je vois pendant qu'il est là. Tu te glisses à l'intérieur de la maison, rejoignant tes camarades. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restés à l'extérieur ? Je sais pas ce qu'a fait Anthony, si tu nous as pas dit. Je pose la question. Je pense que j'ai suivi une fois que vous avez commencé à rentrer. Puisqu'il y a eu des réactions sur même, les... Avant même Jaeger, finalement. Oui. Non, avait... moi dans ma tête, il y avait que Jaeger dehors, mais c'est pour ça que je pose la question. Oui, tout. Oui, pour moi aussi. Pour moi, je suivais, c'est juste que bon, c'était un petit vieux. J'allais pas lui tirer sur même temps tout le monde. Bon. Oui, c'est un petit vieux. 12 assassins parmi les meilleurs mondiaux contre un petit vieux qui dans sa soupe, c'était déjà à peu près suffisant. Et alors que, du coup, Jaeger, tu te faufiles dans la maison. SUV. Vous entendez des coups de feu retentir. Et vous êtes littéralement canardé. Je vais vous demander à chacun de faire un petit test afin d'éviter de prendre des coups pour réagir, tout simplement. Et c'est un test de 6ème science. Je mets 2 points dans 6ème science parce que je ne veux pas mourir. Ah, c'est étonnant comme idée, ça. Putain, j'avais rien mis dans 6ème science. Mais putain, j'aurais su. Oh mon dieu, j'ai rien mis. Les autres, dites-moi. Ok. Alors, je demandais, vu qu'il y a des trucs d'expérience, soit vous les notez, puis vous faites le jet de dés, comme ça j'ai une trace écrite, mais je vais vous demander du coup pas, ou sinon de faire chacun son tour, pour être sûr. Ok. Parce que comme il y a la dépense de points et qui est importante, est-ce que du coup, d'autres personnes. Il me reste du coup Edouard et Anthony, dépense de points et jet. Ouais, la sixième sens, je vais mettre les deux, moi. Pas de. Ouf. Ok. C'est dans quoi déjà? Alors, sixième sens, c'est une compétence générale. Elle est juste au-dessus de surveillance, c'est l'avant-dernière. Et moi, ça fait 8. Je vais mettre les deux aussi. J'ai fait 6. Ça fait 6. Ok. Ok, tu as fait combien, Laura? Bah, tu l'as déjà mis, d'accord. Je l'avais mis aussi. Laura, combien tu fais sur ton jet vu que t'as pas mis de points? Ah oui, 5, c'est bon, c'est le jeu, voilà. Ok, donc 5, 6 et 8, je crois, j'ai entendu. Mais en gros, ok. Moi, j'ai fait 6. Très bien. Tous et toutes, vous avez le réflexe de vous mettre directement au sol, vous savez comment réagir et vous savez parfaitement où vous mettre pour éviter que les balles vous transpercent. Et par chance, aucun d'entre vous ne se prend une balle. Et de fait, vous êtes en train juste de vous faire canarder. Comment vous réagissez? Dites-moi tout. Ah bah moi, j'essaie de poser une position en gros à l'abri des tirs, quoi, et essayer de voir si je peux avoir un visuel sur la zone où ça nous tire dessus. Pareil, je vais me pencher, enfin, je vais jeter au sol pour pareil protéger. Je pense que je vais fermer tous les rideaux, tous les trucs. Tu sais, en passant en dessous, tu t'attrapes le bas et tu fermes le truc pour pas qu'on puisse avoir de visuel sur nous. Très bien. Moi, je vais balancer un pain de C4 par la fenêtre. Pas mal. Jäger, ça vous rappelle? Je t'ai vu lever la main. Eh bien moi, je vais faire comme j'avais dit avec la flare, sauf que c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que je le jette pas à l'intérieur pour qu'on puisse en sortir, je le jette à l'extérieur, pas à l'extérieur vers eux, mais genre devant la maison, quoi, pour faire un mur de fumée entre nous et eux. Ok. Ouais. Très très très bien. Un test d'engin explosif du côté, bien entendu, de Laura et... Et je te fais même pas de jet pour ça, Jäger. En vrai, tu le jettes juste et la fumée va commencer à... Moi, je dois faire un jet pour fermer les rideaux. Non, ça ira. Ton sixième sens est déjà une réussite et elle fonctionne pour... Parfait. Et pour observer la zone où ça tire, pareil. Pas de jet non plus, d'autant plus que, bah, de toute façon, vous avez été prévenu, il n'y a qu'une seule... De toute façon, c'est un SUV qui est devant, ils sont là, tu les vois. Et ton sixième sens emporte encore sur le fait que du coup tu sais le faire en restant sécurisé. Laura, tes explosifs pour ton pain de C4. Sachant qu'il faut le dire avant si tu veux dépenser des points. Oui, c'est oui, oui, désolé. Je vais mettre 2. Donc je vais mettre 2. 3. Au total ? Très bien. Oui. Ah. Oh, putain, ça va rester à l'intérieur. Vrai, ouais. Je fais ce métier et de plus. Ça fait du temps que je fais ce métier. Tu lances le pain de C4, tout content de toi, parce que tu vas pouvoir le faire exploser et sûrement vider la zone. Et tu as à peine le temps de t'équiper de ce qu'il faut pour le faire exploser que tu vois un mouvement repasser par la fenêtre. Le pain de C4 est à tes pieds de nouveau. Ah, je m'en fous tant que j'appuie pas sur les détonateurs. Tout à fait. J'étais le trade. C'est le truc qui tombe. La campagne NBA qui se transforme en one shot. C'est encore possible. Alors, Antoine. Juste, la question c'était... Est-ce que on sait, donc on sait d'où ils tirent, mais est-ce que les personnes qui nous tirent tirent de... du SUV ou ils sont sortis du SUV et ils nous tirent dessus? Alors, les vitres. On écrit la semaine prochaine si vous voulez. Les vitres sont baissées et il y a des tirs, mais d'autres personnes sont sorties du SUV, notamment, bah, tu comprends, de l'autre côté du véhicule pour faire le tour, ils vont tirer dessus, toi t'en restes en couvert. Eh bien, je vais essayer de faire un tir quand même sur une des personnes. Vas-y, fais-moi un test de tir s'il te plaît. Eh bien, c'est pour ça que je vais utiliser 2 points. Pour essayer de faire un truc pas trop dégueu. Alors attends, parce que là on rentre pour la première fois dans un jet qui n'est pas simple, c'est un jet de... je sais pas comment faire ça, mais c'est... J'ai une idée, elle est parfaite. Elle est... J'arrive. Je vous permets, je vous explique le plan. Pardon, je cherche, je vous explique mon plan. Ok. J'ai toujours mon drone accroché dans mon dos. Ouais. On met le pain de C4 sur le drone et je conduis jusqu'à eux. Ah ouais. Clairement. Et moi je fais un tir de barrage. Ça va être du coup test en opposition fermée, donc parce qu'il y a les tests en opposition vert, on verra ça le jour où on en fera. Donc c'est juste un geste simple de ton côté. Pour moi, il y a d'autres choses à faire, mais c'est toi tu t'en fiches. Donc, en gros, en sachant que juste avant j'avais échangé le flingue avec le Uzi, du coup j'ai un Uzi qui peut tirer en rafale, donc ça va tout être littéralement des tirs de barrage pour essayer de les gêner pendant que du coup Jaeger place le pain de C4 sur le drone et qu'il leur envoie ça sur la tronche. En gros, je pense que je vais faire des tirs de barrage aussi. Hein. Alors mais je de suis l'autre à, côté, peut-être comme ça, ça en couvre plus de... J'ai fait 7. Très bien. Du coup, tu vas être le tir de barrage le plus efficace. Quelle était ton action, toi, pardon? Bah de faire des tirs de barrage avec lui, parce que honnêtement, je ne sais rien. Bah, sinon, donc autant... La même chose. Mais du coup, peut-être un autre point, tu sais, comme ça, assez vite qu'ils essaient de nous contourner ou autre. Oui, tout à fait. Je vois l'idée. Et j'ai fait 4. Très bien. Tu as dépensé des points? J'ai pas dépensé. Tu l'as pas dit, donc non. Ok, ok. Donc, je suis en soutien, je me suis dit que... Oui, tu as bien raison. C'est très stratégique, c'est bien joué de ta part. Donc, vous faites tous les deux des tirs de barrage et il reste donc Jaeger avec son plan. Est-ce que c'est ce que vous faites? Ouais. Très bien. Eh bien, vous prenez le drone de Jaeger, vous y accrochez un pump C4. Et Jaeger, je vais te demander ton meilleur test de pilotage, s'il te plaît. Putain, les points de pilotage. Alors, ok. Sachant que alors attends que je t'explique un peu là on est en test en opposition ouvert, donc en gros comment ça se passe, il y a un seuil de difficulté qui est fixe pour tous les deux parce qu'en gros ils vont quand même essayer de ne pas laisser approcher et en fait il y a un jet jusqu'à temps que l'un des deux rate son jet et c'est le premier en fait qui rate qui échoue la confrontation. Ça marche comme ça dans les Black Agents, c'est un peu dégueu. Donc voilà, ne mets pas tes 16 points d'un coup, c'est pour ça que je te le dis. Oh, maintenant. Non, mais en parce que... en plus pour faire des loopings. En sachant c'est que sûr, eux ça, doivent. Ça peut faire ta merde. En sachant que eux doivent riposter alors qu'ils tirent, ils prennent des tirs de barrage. Ouais, tout à fait, t'en fais pas. Je gère tout ça. Okay. C'est juste que je vous donne pas les seuils de difficulté. D'accord. Parce que nous sommes en mode suspense. Donc d'accord. Vous ne savez rien. Alors, c'est du pilotage, on est d'accord, pas du conduite. Bonne question. Ouais, attends. C'est plus du pilotage. Première session. Eh oh. Moi, c'est non mais aussi. Je pense que ce serait plus du pilotage parce que la conduite. Oui. C'est plus véhicule. C'est les véhicules de la voiture. Et si tout le monde dit ça, je dis l'inverse. Pour moi, c'est plus archéologie. si tu veux mettre conduite, moi ça me va, hein. C'est là où j'ai les 16 points. Attends, je regarde. C'est conduite, non, c'est conduite, c'est... Oui, bien sûr, ouais. Parce que oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on conduit un drone, on ne pilote pas un drone, c'est bien connu. Vous inquiétez pas, j'ai 6 sans pilotage, après c'est pas si mal non plus. Si tu en mets 3, normalement, c'est un succès assuré. En vrai, c'est insupportable parce que je sais pas. Ok. Moi j'irais pilotage aussi parce que c'est pas vraiment de la conduite, ça se conduit pas de la même façon, c'est pas un véhicule. Allez, on va dire pilotage. Allez, hop, on va sur internet, ils disent que les drones. On pilote un drone. Hein. Pilote. D'après Wikipédia, si c'est Wikipédia, on est en 2021, ils ont raison. Donc, tout est bon. Pilotage. Je mets 2 points. Ok. Et j'ai eu 4, donc ça me fait 6. Oh. Parfait. Et ben ça va être la confrontation la plus longue du monde parce qu'ils ont déjà perdu. Donc tu vas faire un petit looping, passer directement au niveau 2 et en fait décris-moi qu'est-ce que tu veux faire concrètement, tu fais exploser ça où dans le SUV plus loin, dis-moi tout, décris-moi ça. Après avoir fait mon petit looping en sortant de la brume du flair que j'avais lancé pour bien leur montrer que je suis là, je vais foncer directement avec le drone en gros sur le côté conducteur du SUV, dans l'idée du coup d'exploser là où les gens sont cachés et aussi d'exploser le moyen de piloter le SUV si jamais il y a une poursuite. Ok. Très bien. Ça fait une explosion. Je vais faire un petit test. Très bien. Une explosion qui va faire énormément de blessés au point que là où il y avait un surnombre, maintenant c'est vous qui êtes en surnombre, puisque de non-blessés, il ne reste que deux personnes. Étant donné que les autres sont pris dans le feu et que visiblement ils ont très mal, hein, vu les hurlements qui sont en train de pousser. Bingo! Bah, j'en profite du coup pour rediriger mon tir vers une des deux personnes valides. Enfin, okay. Pas en tir de barrage, mais en tir de... Tous les deux, test de tir aussi, s'il vous plaît. Cette fois-ci, je vais faire un test vanilla pour moi, parce que... Allez, vas-y. Et moi, je vais claquer des points. Ok. c'est très mauvais, parce que j'ai fait 1. Ok. Je claque 3 points. Ok. Ce qui fait 9. Oh, t'as tué les deux, là. Je vais faire un tir. Une pierre pour deux oiseaux. Vas-y, ah, vas-y. Okay. Bien vu. De votre côté, Eduardo et Laura, vous allez surtout servir à couvrir en fait Anthony qui va pouvoir se mettre du coup à découvert pour tout simplement s'occuper du reste. Et je sifflote un petit air anglais au moment où je m'apprête à tirer avec mes... Très bien. Tu sifflotes un petit air anglais et tu tires tout ça avec ton pistolet et tu arrives à abattre les deux hommes assez facilement. L'air des Monty Python. Sacré Graal. Ou Benny Hill, c'est comme tu veux. Tout retombe, toute la tension retombe, étant donné qu'il n'y a plus de coups de feu. Tout s'arrête au moment où, Anthony, tu finis de chanter. Et dites-moi donc, pendant que je change de musique, ce que vous faites maintenant. Moi, je me dirige vers les gens qu'on vient de buter pour voir qui c'est. Moi, je vais m'assurer qu'il n'y ait personne d'autre de planqué, notamment dans les montagnes. Un sniper embusqué ou autre, je vais essayer de faire attention, de repérer. Moi, je vais rester à l'intérieur et puis... Putain, c'était quoi ce bordel? C'était qui ce gars? Que fais-tu? Moi... Ah tiens, si, je vais fouiller à l'intérieur de la maison. Ok. Désolé. Eh bien, je vais accompagner le fouillement, mais surtout vers son frigo, parce que voilà. Moi, je cherchais un coffre fort, personnellement. C'est vrai que, voilà. Mais mentalement, j'approuve ce que fait Edouard, surtout Eduardo, parce que en effet, c'est pas normal qu'ils nous aient retrouvés au moment où on est là. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant qu'on venait d'avoir la mission immédiatement et tout ça, donc. Voilà. Mais je préfère quand même chercher dans le frigo parce que. Je vous l'avais dit que ça puait, je vous l'avais dit. Au moment où je dis ça, ils peuvent pas m'entendre, hein, mais je me le grand-mêle à moi-même. D'accord. Pour faire dans l'ordre, Edouard, Anthony, toi tu vas surveiller à l'extérieur et tu remarqueras que tout est redevenu paisible, calme et sans la moindre trace de vie, un peu ce que vous attendez de ce village à la base. Jaeger, le frigo est rempli de quelques petits vivres, de la viande séchée, ce genre de choses, donc tu pourras te servir, vu que visiblement, là est ton objectif actuel. De ton côté, Laura, tu as fouillé et... Tu trouveras un petit coffre dans lequel est plein de petits effets, notamment quelques roubles bien rangés, mais aussi ce qui semble être des petits documents, vous savez, de la paperasse habituelle. Je prends tout. Très bien, tu prends tout. De ton côté, Eduardo. De ton côté, Eduardo, tu... Va regarder un peu ce qu'il en est. Les personnes qui vous ont attaqué, du moins celles que tu vas pouvoir vraiment inspecter, parce que les autres sont en train d'être cramés, et que bah, le feu a tendance à ne pas laisser en bon état les choses pour les inspecter. Mais pour les autres, notamment les deux autres qui ont juste été tués par Anthony, tu vas pouvoir regarder un peu plus précisément. Ce sont des hommes, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Si ce n'est que très rapidement, tu remarques un point commun, je te fais même pas de jet pour ça, tu le vois directement. Ils ont tous un tatouage en commun, un tatouage dont j'enverrai la photo un petit peu plus tard. Tu fouilles un peu ce qu'il en est. Prends le photo. Et notamment au niveau du SUV. Tout le monde est bien mort, ou du moins en train de mourir. Et tu vas pouvoir très rapidement trouver, en fouillant un peu, pour essayer de obtenir quelques informations avant que tout parte en fumée dans l'incendie qui est en train de se propager petit à petit. Et tu obtiens quelque chose de très intéressant. Cette chose, hein, elle est plutôt simple, c'est un dossier comme il y en a plein d'autres, numérique cette fois-ci, sur lequel tu peux voir la tête d'Anthony. Puis si tu regardes un tout petit peu plus, tu verras la tête de Jaeger, la tienne, celle de Laura. Et visiblement, un contrat a été mis sur votre tête, c'est... D'un simple mouvement de doigt, tu connais comment ça se passe, ce genre de choses. Tu sais identifier très rapidement qui a envoyé ce contrat, et tu le connais très bien, parce que c'est la même personne qui vous a envoyé chercher votre mallette.